Samedi 28 octobre. Un peu partout, il y a des articles, des partages, des choses sur la chasse à l'ultra-gauche. C'est la chasse aux anarcho-libertaires, etc. Comment dire ? Je suis anarcho-libertaire, d'ultra-gauche, ce que vous voulez. Je suis en lutte, ouais. Et je suis offensive, effectivement. Je suis pas en guerre, mais pas loin. Parce qu'en fait, je vois pas comment faire autrement. Vous ne nous laissez plus aucun choix. Chaque fois qu'on va manifester, on nous répond que ça ne sert à rien, que ce n'est pas la rue qui gouverne. Mais en plus, désormais, on se fait gazer, matraquer, mutiler à vie, voire on meurt. Vous laissez sans aucun contrôle des personnes avoir des agissements dignes des SS. Et je pèse mes mots, vraiment. Ce n'est pas du tout un point Godwin. Pour les avoir croisés, pour avoir croisé leur regard, les gens de la BAC ont une haine dans les yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose de terrifiant. Et vous les laissez sans aucun contrôle. Et vous vous étonnez derrière que des personnes qui ne peuvent plus répliquer en manif, vous vous étonnez que des personnes décident de s'attaquer au bien représentant les forces du maintien de l'ordre actuellement. Mais, enfin, je sais pas, un extraterrestre déboule sur la Terre, là, il comprend immédiatement le rapport, lui. C'est évident. Alors moi, je pratique pas ces actes-là, mais je ne m'en désolidariserai pas et je ne les condamnerai pas. Vous nous présentez comme étant de très dangereux individus, limite du terrorisme. Je crois qu'en fait, vous osez pas trop l'utiliser suite à l'affaire Tarnac où vous vous êtes fait bouler sur cette terminologie. Mais vous nous présentez comme des dangers alors qu'on se bat pour le bien commun, pour plus d'horizontalité, pour plus de transparence, pour une redistribution des richesses, pour être traité dignement en bas. Et vous nous présentez comme un danger pour la société alors qu'on fait tout l'inverse. On a combien de sang sur les doigts, nous ? On a bousillé la vie de combien de personnes ? On a provoqué le suicide de combien de personnes ? On a tué avec une grenade dans le dos, combien de personnes ? On a enfoncé un tonfa dans l'anus de combien de personnes ? Qu'est-ce qu'on a fait pour que vous nous montriez du doigt, à moins peut-être que vous ayez honte ou que vous ayez peur ? Alors ouais, ben, je suis anarcho-libertaire d'ultra-gauche, si vous voulez, et je vais continuer à informer, je vais continuer à diffuser les merdes que vous faites. Vous avez oublié le terme écolo, et peut-être bobo tant qu'on y est, parce qu'effectivement, actuellement, être au RSA en France, c'est être bobo dans le monde. Être au RSA en France actuellement, alors qu'on n'y arrive pas, hein. Clairement, on ne peut pas joindre les deux bouts au RSA. On s'endette, on s'enfonce. Mais au RSA, en France, actuellement, on bénéficie de la sueur, du sang et des ressources de plein d'autres pays où vous faites la guerre, soi-disant en notre nom. Et si pourtant est qu'on ait la chance d'y passer dans ces pays, on nous le fait comprendre. Soi-disant en notre nom, vous pillez les ressources du monde. Vous tuez cette terre. Et c'est nous les dangers ? Nous, en bas, qui demandons un peu d'essence, la disparition des frontières pour partager ensemble les richesses et cesser de piller la planète et cesser de détruire des vies. C'est nous les dangers? Si vous faites tomber l'un ou l'une d'entre nous, on fera comme pour Carnac, ce sera une tribune politique. Et vous aurez de plus en plus la honte. Et peut-être que vous serez de plus en plus violent avec nous. Et peut-être qu'il va y avoir d'autres morts, je dirais même sans doute, vu l'accélération du nombre de morts par la police ces 2 dernières années. C'est affolant. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir réussi à nous avoir bâillonnés. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez ce truc instinctif qu'on connaît dans la nature. Quand il y a un grand silence, quand au fur et à mesure tout le monde se tait, quand on n'entend plus rien que le battement de son cœur, c'est qu'il est l'heure et que la tempête est là.